Lundi 12 avril 2004, Glasgow. J'ai rêvé que je voyais l'entrée d'un château. C'était à Versailles et j'étais avec ma mère. Elle était très étonnée, mais c'était fantastique. Je l'encourage à entrer. On commence à parcourir le château. Il y a des grandes fenêtres et à l'extérieur, il y a beaucoup d'eau, comme dans un lac ou un étang, avec des gens qui s'y baignent. Ils sont très gros, mais ils ont un plaisir énorme. On les voit en mouvement et on ne peut pas s'empêcher de voir leur plaisir. Ma mère est étonnée, elle se méfie de tout ça, mais j'essaie de lui faire comprendre que c'est un endroit touristique. On parcourt les chambres, c'est énorme et cela doit être les chambres des bonnes. On ne fait que commencer. Ma mère est toujours méfiante. C'est quand même pas mal, je lui dis. Tu t'attendais peut-être pas à être dans un château et à Versailles pour ton anniversaire, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle ne sait pas si elle aime trop ça, car faire le ménage doit être très pesant. En passant, je jette des choses par terre pour la provoquer, en lui disant qu'il y a dans le château 250 personnes chargées de faire le ménage chaque jour. Elle n'a pas raison, je trouve ça magnifique. En passant de l'autre côté du château, il y a une inscription. C'est un commentaire de Walt Disney sur le château. Ensuite, on passe vers la cuisine. En y allant, on voit une chaise. Je lui montre la chaise qui a été offerte par le roi des Aztèques au roi de France. Une chaise avec tous les symboles de l'Empire mexicain et la majesté du pouvoir pour le roi. Dans la cuisine, il y a plusieurs cuisiniers. La cuisine est très généreuse, car elle doit alimenter tous les touristes. Sur la table, je remarque qu'ils mettent du papier. Quand elle devient sale, au lieu de nettoyer à chaque fois la table, qui est déjà sale, ils enlèvent juste le papier et en mettent un autre. C'est très pratique. En fait, tout est très commercial. Ils vendent même des cendriers avec les symboles de la chaise mexicaine, pour les touristes. Mais c'était une ambiance relaxe.